Bonjour à toi, cher auditeur de la marge. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolaine Ruet jusqu'à 4 heures. Si c'est la première fois que tu écoutes l'émission, je te confirme, je critique les foules. Je suis parmi toi, Crowd. Je t'observe et j'aime bien m'amuser avec toi, regarder le spectacle. Cette semaine, ce sera plutôt tranquille. Non, je ne suis pas dans l'énervement. Je crois que mon corps, de toute façon, n'aurait pas tant suivi. Alors, j'ai fait une merveilleuse découverte avec le festival Luxemania et j'ai eu l'occasion dimanche soir de faire mon tour au festival. Alors oui, à la toute fin, avec une soirée de collaboration en musique expérimentale à la Sala Rossa, avec Les Yeux, entre autres, toute première prestation de leur part. Et sinon, je me suis dirigée vers la Vitrola et j'ai découvert The Record Breakers. Oh, qu'il y aura de la variété musicale! J'irai même jusqu'à dire que ça a été... déroutant, c'est à suivre. Et sinon, pour tous ceux qui sont des habitués de l'émission, ben oui, j'étais pas là la semaine dernière, je vous ai abandonné là, parce que, ben oui, j'étais malade, je te reviens là-dessus dans un des micros, parce que critique de crowd, oui, il y a de la foule partout, et vivre en société, c'est une très grosse foule, et j'aime bien utiliser ma vie et vous la compter, oui, ma vie pour des anecdotes à la radio, toujours. Alors, sur ce, ben, je crois qu'on va commencer tout de suite en musique avec... Je m'en veux. Et en même temps, c'était sold out et j'étais pas libre. Alors, je me suis dit, le karma faisait en sorte que je ne devais pas y être à la série Last Call du Divan Orange avec les Breastfeeders et Vulvets. Ça devait être magnifique comme spectacle, vraiment. Mais voilà, je n'y étais pas. Mais les Breastfeeders, c'est un de mes groupes préférés, un des meilleurs sur scène. Alors, clairement, vous avez passé une excellente soirée, tous ceux qui y étaient. En plus, Vulvets a sorti hier une chanson toute nouvelle, La Garçonne. Alors, allons l'écouter sur les ondes de CISM. Yeah. dans la vitrine. Les Breastfeeders sur les ondes de CISM. J'allais dire dans leur plus récent album, mais comme de fait, c'est leur dernier. Il date de quelques années, mais je l'aime toujours autant. Dans la gueule des jours, et vous avez entendu la chanson La fille dans la vitrine. Sinon, juste avant, vous avez entendu la plus récente chanson. Et là, comme de fait, c'est assez frais. La nouvelle chanson des Vulvettes, La garçonne. Et vous écoutez Critique de Crowd qui... de jase de sa santé. C'est drôle parce que une de mes émissions les plus marquantes et que je me suis fait le plus reparler et même les appels en direct, c'est quand je me suis cassé le nez au show des Ghouls. Oui, je te le répète beaucoup trop souvent, cher auditeur de la marge, que je me suis cassé le nez, mais pour moi, c'est un événement unique. Et... je sais pas pourquoi, mais je crois que c'est pas tant ma critique du système de santé qui avait tant marqué la crowd de la marge que tout simplement l'anecdote qui va autour. Mais pour moi, c'est quand même comme effet qu'à chaque fois que j'ai affaire avec le système de santé, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de t'en reparler. C'est pour moi, c'est étrange parce que oui, mes critiques de crowd, bon ben à base, tu sais, tout va de façon empirique. Fait que ça va aussi comme pour les anecdotes de la vie de tous les jours. Je te raconte ce qui se passe. Mais pour moi, ce qui est difficile, c'est que c'est ça. Dans les spectacles, déjà, à la base, les gens y vont avec une certaine joie. On va aller voir des groupes qu'on aime. On va à un événement qu'on apprécie ou on espère qu'on va avoir du plaisir. Tandis que là, c'est complètement l'inverse, t'sais, si tu vas... que ce soit hôpital, urgence, clinique. Tu sais, tu y vas pas avec le cœur léger, disons-le bien ainsi. Alors, pour moi, c'est là peut-être que ma candeur et mes lunettes roses ne vont pas très bien. C'est que c'est... j'y vois difficilement des beaux côtés. Pour bien partir du départ, je voulais tout simplement aller dans une clinique sans rendez-vous dans mon merveilleux quartier qui est Hochelaga-Maisonneuve. Et justement... Je parle pas souvent, je trouve, à Critique de Crowd, des faits de société. Mais quand on est vis-à-vis, justement, par expérience, par expérimentation, bien, je crois que c'est là la nécessité de vous en parler, chers auditeurs. Parce que dans Hochelaga-Maisonneuve, il ne reste que 4 médecins. En 2016, il y en avait 15 en tout. Et là, dû aux retraites et dû à des départs aussi de médecins qui ont décidé de changer de clinique, il en reste que 4. Et il y en a... pratiquement aucun qui accepte du sans rendez-vous en ce moment. Une des médecins qui prend la cause la plus à cœur, elle s'appelle Ghislaine et elle fait du séjour semaine dans sa clinique. Elle essaye d'accepter des gens sans rendez-vous parce qu'elle essaye de combler ce besoin qui est criant dans le quartier, le manque très flagrant de médecins. Personnellement, bon, ben, ma santé allait bien visiblement parce que la dernière fois que je suis allée dans une clinique sans rendez-vous, c'était dans Hochelaga, puis ça s'est bien passé. Parce que si tu veux, je te dise. Tandis que là, j'appelle au 3600 Ontario, qui est quand même une des cliniques les bien connues du quartier. J'ai senti tout le désespoir dans la voix de la réceptionniste qui m'a dit « Mais madame, vous n'êtes pas au courant qu'on ne prend plus de sans rendez-vous comme une fois aux trois semaines par un seul médecin. » J'étais comme « OK, non, je n'étais pas au courant. Peut-être ai-je signé sans bien le savoir la pétition qui a accumulé 8500 signatures qui a été déposée par les députés Carole Poirier le 17 octobre dernier. » Non, j'étais pas au courant à quel point le besoin était aussi criant dans le quartier. Et là, quand je parle de désespoir de la réceptionniste, je crois que cette semaine et depuis la semaine dernière, on entend beaucoup parler justement du manque de qualité de travail, des heures supplémentaires, des infirmières. On parle aussi justement des médecins qui croulent aussi sur le travail dans mon quartier. Mais je crois que tout ce mal-être dans le système touche tous ceux qui y travaillent. La réceptionniste qui doit affronter tous les jours la crowd qui l'appelle pour y dire « Ah, désolé, je peux pas vous prendre. » Tous les gens, tu sais, qui viennent puis qui est obligé de leur dire « Ben, on pourra pas vous accueillir. » Ils doivent avoir nécessairement de la colère, de l'insatisfaction, de l'incompréhension parce que, oui, on est dans Hochelaga, oui, il y a l'embourgeoisement du quartier et non, c'est pas non plus le quartier encore le plus riche. Fait qu'il y a des gens qui n'iront pas voir une autre clinique médicale tout simplement parce qu'ils n'ont pas la capacité, la mobilité physique ou économique pour aller dans un autre quartier. Fait que c'est... Je suis vraiment dépassée par les événements et... C'est le moment que j'étais tout à fait désolée pour elle, mais que, ouais, j'ai pas fait mon émission la semaine dernière parce que j'avais la luette qui avait trois fois son poids et sa grandeur. J'étais constamment en train d'auto-avaler ma luette, mais évidemment, je l'avalais pas parce qu'elle est bien accrochée. Fait que j'ai eu la bonne ou mauvaise idée d'appeler le 811 qui m'a dit « Mais madame, plus ça offre, peut-être que vous pourriez avoir une insuffisance respiratoire. » Et là, c'est là que je me suis mis à capoter et oui, à décider qu'il fallait que je voie un médecin parce que, à la suggestion évidemment du 811, je reste toujours un peu difficile à avoir une opinion sur le 811. À chaque fois que j'y vais, j'ai l'impression que je vis une tragédie grecque et je suis certaine qu'ils font vraiment bien leur travail, mais à chaque fois, j'ai l'impression que je vis un mélodrame quand je les appelle. Fait que ce sera à suivre pour mon anecdote médicale. Pendant ce temps-là, on va continuer en musique. Je t'ai parlé d'embourgeoisement du quartier, c'est pas pour rien, parce qu'on s'en va écouter Arsenic 33 et leur fameuse chanson « La gentrification expliquée aux enfants » d'Hochelaga Maisonneuve. Yeah. Je voudrais devenir ce cri. un long bloc musical, parce qu'après Arsenic 33 et la chanson La gentrification expliquée aux enfants de Schlager Maisonneuve, chanson qui se retrouve sur leur album Tranquillement les tranquillisants, vous avez entendu un groupe que je connaissais pas pantoute. Je remercie la Sismothèque. Elle est bien garnie. Ses tablettes sont remplies d'albums. Oui, oui, des CD physiques. Et entre autres, j'ai trouvé Oliver Steens avec la chanson J'ai craché mes amygdales. Alors, Oliver Steens qui existait de 78 à 80, du moins, c'est ce que je crois du nom de l'album. Et sinon, vous avez aussi entendu Pierre et Bastien et la chanson allongée de leur album Musique grecque. Et oui, tu écoutes toujours Critique de Crowd. Et oui, j'ai fait des liens là, allongés et amygdales. Puisque je te parlais... je t'ai parlé de ma luette et finalement, c'était une amygdalite. Alors, c'était un bon package deal de « ça va pas dans le fond de ma gorge ». Et ça, c'est pas du tout pratique pour animer. Non. Mais justement, comme de fait, oui, je vais mieux. Je crois que ma voix est peut-être aussi gossante que d'habitude, mais elle est en santé. Alors, oui, comme je vous disais tantôt, c'est fou. Quand je suis allée à l'urgence à cause de mon nez cassé au show des Goules, et je vous avais fait un résumé où c'est vrai que je trouve que quand tu vas à l'urgence, quand tu vas à l'hôpital de nuit, c'est comme une loupe sur tous nos bobos de politique et de société, mais vraiment en concentré, c'est triste et surtout c'est pour ça que j'ai un peu une misère à en faire un compte-rendu exhaustif, parce qu'on se sent extrêmement impuissant face à cette situation-là. Et déjà, on est malade de soi-même quand on se ramasse dans ces situations-là. Alors, je crois qu'on a un œil plutôt gris-triste pour observer la situation. Mais avoir été, dit de même, là, c'est pas super glorieux, là, mais être allé plus qu'une fois récemment à l'hôpital, j'ai surtout eu le constat parce que quand j'étais allée après le spectacle des Goules, c'était un vendredi soir et je croyais que c'était plus trash, permettez-moi l'expression, le fait qu'il y ait plus de gens qui écument leur vin, qui ont pris trop de substances, puis que là, oh, bad trip, fait qu'on se ramasse à l'urgence. Je me disais peut-être que c'est dû au vendredi, mais non! Je l'ai dit, c'est pas un beau micro crowd! Mais non, mercredi soir, je crois encore que c'est aussi une loupe. C'est juste qu'il y a moins de gens. Non, ironiquement, il y avait quand même plus de gens, oui, des personnes âgées, des jeunes personnes aussi qui venaient consulter, visiblement. Mais encore une fois, je trouve que c'est tellement un point... C'est d'une tristesse de voir comment l'urgence... Il y a comme un summum intérieur où on peut observer les problèmes d'itinérance, de manque de services sociaux en société, à même la salle d'attente, à même les patients. Et oui, je reviens sur le sujet, mais quand même, gestion de drogue, parce qu'un mercredi soir, tu sais, c'est con, là. C'est vrai que je me suis dit que ça allait être plus tranquille que vendredi soir, parce que le monde sont moins sur party. Mais en même temps, chacun leur vie, hein, tu sais, pas tout le monde a la fin de semaine à la même place. Mais je trouve ça quand même dommage. Je sais pas, c'est peut-être parce qu'on a trop de temps d'attente que là, je me mets à me questionner sa société. Comment on pourrait... oui, justement, comment on est puissant, mais comment on pourrait l'améliorer? Ou qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que citoyen? Parce que, déjà, gestion de drogue, je me dis, si les gens, ils pouvaient tester leur drogue, comme on a parlé durant les festivals, de pouvoir, la tester. Oui, en ce moment, il y a aussi des tests, quoique là, encore une fois, c'est pas légal, fait que c'est un peu compliqué de l'introduire, mais des tests pour voir s'il y a du fentanyl dans ta drogue, parce que oui, ils peuvent être tous contaminés. Puis après ça, comment on fait avoir un test qui pourrait bien tester aussi les drogues, parce que quand c'est trop... quand c'est pas assez infaillible, disons que la qualité sera pas au rendez-vous, puis ce sera pas intéressant. Puis je me dis à quel point si ce genre de... Oui, de J'ai plus le mot. Mais si ce genre d'intervention-là pouvait exister, il pouvait être légal, est-ce que ça aurait une incidence aussi directe sur le système de santé? Tu sais, même là, on parle... ça va être légalisé, le pote, mais si toutes les drogues étaient légalisées ou du moins décriminalisées, ce serait quoi l'impact direct que ça aurait sur le système de santé? Fait que oui, j'avais beaucoup de temps devant moi à l'urgence pour penser tout à tout ça. Ou peut-être c'est le gars juste à côté de moi qui m'ont mis un peu à l'envers, tu vois. J'en perds ma réflexion, peut-être. Mais un gars tout à fait en santé, oui, il m'avait dit qu'il s'était battu avec 15 personnes. Il avait la face maganée, mais pour 15 personnes, soit c'est un surhomme, soit il en avait la vue double ou la vue triple, je pourrais pas dire. Et qui... et oui, il a l'air ben, en santé, oui, magané, mais qu'en même temps, il m'a dit concrètement, il s'est assis à côté de moi, il a dit « Je peux-tu me coucher? » Je fais « D'accord, mais en même temps, t'as pas le droit de dormir allongé à l'urgence. » Fait qu'il arrêtait pas de se faire réveiller par les gardiens de sécurité. Mais lui, mot pour mot, on se connaît pas du tout. Il m'a dit « Je viens juste dormir à l'hôpital. » Et là, je trouvais ça étrange parce que juste avant, il s'était vanté des marques de vêtements de... qu'il était en train de porter. Puis là, j'avoue que mes connaissances en mode devaient être limitées parce que là, j'avais vraiment aucune idée de c'était quoi la marque. Il m'a montré l'étiquette, puis j'étais comme « Ah, ah, tu t'adresses pas à la bonne fashion victime parce que ça fait pas trop d'incidence à comment je vais te percevoir comme individu. » Et pour moi, je sais pas comment... Cette personne, pour moi, est un mystère parce que quand on n'arrête pas de parler d'engorgement, d'hôpitaux et tu sais à quel point, oui, quand on a un malaise, on a à y aller, tu sais, c'est au nom de notre santé. Et qu'en même temps, il y a des gens comme ça qui décident de juste se dire « Moi, je vais dormir à l'hôpital, puis merci, bonsoir. » Et qui se font un peu du système. Ça me remue beaucoup d'aller à l'urgence ou aller à l'hôpital en général. Et j'espère que ça va vous avoir fait un peu du bien aussi, comme un catharsis crowd. Je l'espère profondément. Parce que voilà, ça suscite beaucoup de questions à moi. Oui, je reçois une prescription, mais je crois que je reçois beaucoup de questions et pas de réponses. Alors, si toi-même, crowd, tu as des interrogations et que ça a suscité pour toi aussi des réflexions, je suis bien heureuse que tu me les partages sur le Facebook de Critique de Crowd parce que oui, c'est beaucoup de questions puis j'aimerais bien l'alimenter et avoir une réflexion plus fluide aussi parce que j'en ai encore tout plein. C'est décevant. Alors, la prochaine fois que je me magane, je vous raconterai d'autres anecdotes et je pourrai partager... je vais pouvoir partager les vôtres. Alors, sur ce, écoute, au moins à la deuxième partie d'émission, on va être rempli de lumière puisqu'on va parler du festival Magna, oui, que j'ai rebaptisé tout à l'heure Mania parce que du latin, je le parle pas souvent. Oui, un très beau festival, beaucoup de lumière, beaucoup de joie, une belle entrevue avec une des organisatrices. J'ai hâte de tout ça après les publicités. À tout de suite. Soyez de la fête pour le dernier week-end d'Igloo Fest, l'événement de musique le plus froid au monde. Ce jeudi, vendredi et samedi, venez vous déhancher au son de Boy Wanda, DJ Esco, Ento, Sacha & John Digweed et Vince Carter. Pour les billets et toute la programmation, rendez-vous au igloofest.ca. Igloo Fest au Vieux-Port de Montréal, t'en reviendras pas. Desert Rock, Stoner Rock, Space Rock, Doom Rock. Appelez ça comme bon vous chante. Pour moi, c'est du blues de génératrice. Cactus Blues, tous les mercredis à 21h sur CISM à Marge. Fait que pour la radio, on a ici un beau tape cassette 8 tracks avec des grosses batteries pis tout. Ok, je suis pas super sûr. Ok, d'abord, regarde-moi ça. Un beau téléphone cellulaire Motorola 1992 qui vient dans une belle mallette brune, le plus stable sur le marché. Vous auriez pas quelque chose de plus récent, mettons? C'est parce que je sais pas vraiment. Madame, est-ce qu'on vous a parlé de l'application CISM? Regardez bien ça. Vous pouvez écouter en direct ou en podcast toutes vos émissions. Vous pouvez même les sauvegarder dans vos favoris et voir la liste des chansons jouées. Puis en plus, ça vous coûte rien. Ah, wow, merci! Hey, ça c'est bon pour les affaires, mon Steve. Vous écoutez CISM 89.3 FM. De retour sur les ondes de CISM, vous avez entendu Solids. Et oui, l'album Blame Confusion, c'est bien le fun d'écouter la chanson Laissez faire qui se retrouve dessus. Et vous écoutez toujours Critique de Crowd qui vous suggère tout plein de petits spectacles. Puis ça donne bien parce que Solids est en show le 3 février avec Tallinn et Diff. Et ça se passe durant le Tavern Tour. Il y a bien du spectacle, puis bien du spectacle sold out. Parce que ce soir... complet! Danny Pacor au verre bouteille, complet! Ben oui, mon Dieu, notre ordinateur nous jase. Mais sinon, ben oui, il y a aussi Fred Fortin qui est complet à la taverne Saint-Sacrement. Alors, n'allez-y pas s'il y a... si vous n'avez pas votre billet, bien évidemment. Et sinon, ben encore une fois, au Tavern Tour, parce que je te l'ai dit, il y en a bien du spectacle, ben va donc voir Yoko Feu avec Gino Lazare au Quai des Brumes. Et sinon, plus tôt ce soir, c'est le lancement de Deception Bay de Milk and Bone. Alors, vas-y gaiement au Livard. Vendredi, ah, je t'avais dit plein de shows complets, hein, parce que A Place to Bury a Stranger, complet, à l'ESCO. Par contre... reprends-toi parce que ce spectacle-là, je pourrais pas y être, puis je te dis, je pense que je pleure. Jesus Horse est un de mes nouveaux coups de cœur. Ils vont jouer avec Rob Grabber et Dark Circles à l'Atomic Café. Soyez-y. Et sinon, un autre spectacle que je vous recommande très, très fortement, c'est Teke Teke qui vont jouer avec Dune à Desert Blues Ensemble au Pub West Shefford. Et samedi, encore une fois dans le Tavern Tour. Oui, j'en fais bien la promotion parce que c'est un très beau festival. Je trouve que ça donne l'occasion de sortir durant l'hiver comme le fait le festival qu'on va jaser Lux Magna. Fait que voilà l'occasion d'encore plus sortir. Alors voilà, samedi 16 avec Sigil au ministère. Sinon, dans la série Hochelaga, mais il y a La Claire Ensemble qui va jouer à la Maison de la culture de Maisonneuve. Dimanche, le bien-aimé Disquiet Army en version solo va être au Sun Central pour faire une performance lundi. Oh mon Dieu! C'est un groupe que je connaissais pas du tout et je crois que je connaissais pas du tout le genre musical en soi, comme du boss hardcore électronique. Je vis une émotion vraiment incertaine, tu vois. Je pourrais pas la décrire plus qu'avec beaucoup d'hésitation. Va toi-même découvrir Enter Shikari. Hé là là! J'ai vécu des émotions! Et par contre, leur première partie, je les aime beaucoup. C'est un groupe anglais punk rock, Milk Teeth. Et sinon, il va y avoir les merveilleux ontariens de Single Mothers qui vont jouer avec eux autres au théâtre Fairmount. Et pour les amateurs des francs-couvertes, ben oui, ce sera le lancement de programmation ce lundi au Lion d'Or. Mardi, Nick, Deep, encore une fois du punk rock. Et je trouve ça drôle parce que le band est formé depuis 2012. Puis j'ai un sentiment très adolescent en écoutant ce groupe-là. Sera-t-elle jeune, cette foule? J'ose croire que oui. Je serais bien curieuse d'y être au Club Soda pour Neck Deep ce mardi. Et finalement, pour toi, amateur de jazz, je te recommande d'aller aux Liaisons voir The Brooks. On va continuer en musique avec le palmarès franco de CISM, tout en rap avec Fouki et la chanson Zeya. J'regarde par la fenêtre de ma chambre, on est des gens décents. J'ferme le rideau, j'ai pas de star, j'ai pas envie de sortir de voir. J'ai mon melon qui me dit faut que tu manges un bain. J'ai pas d'appétit, j'suis pas dans mes crailles. Je prends une petite douche rapide, mais j'sais pas comment faut que j'm'habille. Oh, pis dans le sommet, j'en ai rien à foutre. Y'a personne comme moi, j'suis différent de la troupe. Faut que j'asse mon thème, je pars sur de la ville. Maintenant que j'ai mon 5 et j'suis 7 pour la suite. J'prends la vitesse, j'cube les chutes, pas tout, est-ce tous dans le même bateau? Mon ami Michel, ça fait tch tch quand c'est silence sur le plateau. Zaye, j'suis comme Zaye. C'est parti de rien, mais maintenant j'sais où j'm'en vais. Zaye, j'suis comme Zaye. C'est parti de rien, mais maintenant j'sais où j'm'en vais. Mais fuck you, parle-moi pas pour me dire mon taille. Mais fuck you, j'm'en calisse, t'es comme mon taille. Mais fuck you, parle-moi pas d'être ordinaire. Mais fuck you, si tu me trouves un peu trop vulgaire. Yeah. Ouh, Zaye, yeah. Ouais, c'est dit ce que j'ai commencé à rapper pour envoyer promener les gens. Pourtant, j'ai commencé à chanter avec mon grand frère quand j'avais genre 7 ans. Flipper de la pizza tout le temps. Flipper de la pizza toujours plus grande. Je vois que sur mon rap, je vois que sur mon cash. Je veux quoi pour qu'on puisse s'entendre. Fuck les dominants, fuck les hits de l'an. Yeah, je suis un peu baveux. Yeah, fuck les producteurs, je garde la bonne humeur. Je suis un SoundCloud rapper. Yeah, night shift dans mon agenda. Mais fuck les, je me plains pas. Non, night shit on the way. Yeah, mais gros, j'aime mon baby. Zaye, j'suis comme Zaye. C'est parti de rien, mais maintenant je sais où je m'en vais. Zaye, j'suis comme Zaye. C'est parti de rien, mais maintenant je sais où je m'en vais. Man, fuck you, parle-moi pas pour me dire mes tailles. Man, fuck you, j'm'en calisse, t'es comme mon taille. Man, fuck you, parle-moi pas d'être ordinaire. Man, fuck you, si tu me trouves un peu trop vulgaire, yeah. Ouh, Zaye, j'espère que les années passées à m'établir vont compter pour quelque chose quand le temps va m'envahir. Victime d'un passé comme tous ceux qui sont passés, comme tous ceux qui sont cassés. Juste vivre, c'est pas assez. Contenter et lasser, commenter et like et partager mes shit validés, donc encensé. La vie, c'est juste censé faire du sens. Mais l'ignorance roule à contresens. Fuck, j'ai fait des in and out sur la ligne orange. Vas-y, je t'invite à un dîner de con. Shit, yeah, c'est con, je sais. Le mind con, je l'ai trop défoncé. On est tous cons, je sais. Real life soma, shout à Huxley. Real life coma, on peut tous sombrer. Mais, check un concept, car un con sait qui est con. Shit, check un concept, car un con sait qui est con. Damn. Check our concept, car con sait qui est con. Damn. Check our concept, car con sait qui est con. Denison, come on. J'ai pensé à la fin du monde. Je vais peut-être la vivre sur mon téléphone. Feeling comme seul au monde. Quand je regarde pas mon téléphone. Si tu veux, c'est pas sur les ondes. Dis-moi donc parce que je me questionne. I don't know where I'm gonna go. Mais je sais qu'il faut que je get lost. J'suis ici, j'suis parti, j'suis ici, j'suis parti. Yeah, yeah, yeah, yeah. J'suis ici, j'suis parti, j'suis ici, j'suis parti. Yeah, yeah, yeah, yeah. J'suis ici, j'suis parti, j'suis ici, j'suis parti. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. J'suis ici, j'suis parti, j'suis ici, j'suis parti. J'suis ici, j'suis parti, mais j'suis pas revenu d'or. Mon corps est ici, mon mind sur Pluton. Faible revenu, les first class à Trudeau. Tête dans les nuages, je veux aller plus haut. Fugitif de mes pensées, man, le tout me hante. 28 ans, mon avenir dans des eaux troubles devant. J'ai vécu la nuit pendant un bout de temps. Ça m'a juste donné envie de foutre le camp straight up. So, je suis ici, je suis parti. Je félicite mes amis, rester dans ma vie quand je disparais sans avis. La santé est fragile, ignorer c'est facile. On vit tous nos struggles, yeux fixés sur l'avenir. Yeux plissés, la fatigue, le fantôme. Tant qui m'habite, je suis parti en France, revenu juste comme par magie. Revenu qui juste raptise, qui buyin' them clothes, I keep buyin' them flights, kids priceless. Priceless. Check our concept, car con sait qui est con. Shit. Check our concept, car con sait qui est con. Damn. Check our concept, car con sait qui est con. Damn. Check our concept, car con sait qui est con. Then it's on, come on. J'ai pensé à la fin du monde. Je vais peut-être la vivre sur mon téléphone. Feeling comme seul au monde. Quand je regarde pas mon téléphone. Si tu veux, c'est pas sur les ondes. Dis-moi non parce que je me questionne. I don't know where I'm gonna go. Mais je sais qu'il faut que je get lost. J'suis ici, j'suis parti, j'suis ici, j'suis parti. Yeah, yeah, yeah, yeah. J'suis ici, j'suis parti, j'suis ici, j'suis parti. Yeah, yeah, yeah, yeah. J'suis ici, j'suis parti, j'suis ici, j'suis parti. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. J'suis ici, j'suis parti, j'suis ici, j'suis parti. J'suis ici, j'suis parti. J'suis ici, j'suis parti, j'suis ici. Ah, Crowd, j'espère que tu as apprécié ce bloc rap avec Saint Liam, avec Je suis ici, je suis parti. Et sinon, vous avez aussi entendu Fouki avec Zeya. Chacun sont en 16e et en 14e position du palmarès francophone. Et pour toutes les autres positions, vous allez sur le site de CISM, cism893.ca. Ah, au téléphone, est-ce que j'ai Amélie? Amélie, tu m'entends? Oui, bonjour. Ah, merveilleux. Alors, chers auditeurs, comme je vous ai promis en début d'émission, j'ai demandé de jaser avec Amélie, qui est une des organisatrices de Lux Magna, parce que c'est la première édition du festival. Et je l'ai découvert, mon Dieu, Amélie, une semaine avant, je pense, le début de l'événement, mais je crois que ça fait un bout que tu l'organises. Puis déjà, en voyant la thématique, ça m'a complètement enchantée. Alors, voudrais-tu nous faire découvrir aux auditeurs, mais qu'est-ce que Lux Magna? Alors, Lux Magna, ça faisait pas si longtemps que ça que c'était annoncé, parce qu'on l'a annoncé mi-décembre. Donc, on l'a organisé très rapidement. On a constitué une équipe pendant l'automne qui regroupe environ 8-10 membres. Et on a commencé le dur de la préparation mi-novembre. Donc, on a fait ça très rapidement. C'est un festival qu'on voulait multidisciplinaire, en plein milieu d'hiver pour un peu réchauffer l'hiver, comme on a dit, c'est un peu notre thématique, et pour organiser une grosse fête centrée sur les artistes locaux en plein milieu de l'hiver quand il se passe pas grand-chose d'autre. Donc artistes locaux, artistes émergents, vraiment axés sur la communauté et multidisciplinaires. Voilà. Et est-ce que, d'où vous est venue l'idée? Toi, tu travailles aussi pour le Suoni Paris Popolo. Est-ce que c'était une idée de faire, mon Dieu, une autre saison au lieu de l'été? Allons-y avec l'hiver. Oui, je pense que les deux projets sont complètement différents. Effectivement, moi, je travaille aussi pour le Suoni et Kiva Stima, qui est dans l'équipe a fondé le Suoni. Donc, il y a évidemment un lien entre les deux. Mais le lien, c'est juste les personnes. Sinon, dans les projets, c'est deux projets qui sont complètement différents. On voulait le faire pendant l'hiver parce qu'effectivement, on a un festival d'été et on a vu que pendant l'hiver, il y avait moins de choses à faire. Oui, on voulait juste... c'est un projet différent du Sony. Voilà. Mais on voulait faire... qu'il se passe quelque chose à Montréal qui soit un peu différent, qui présente aussi des artistes un peu différents que ce qu'on voit habituellement. Donc on a axé sur la scène locale, on a aussi axé autant que possible sur des musiciens qu'on trouve habituellement un peu sous-représentés, donc femmes, personnes de couleur, aussi éclater un peu les notions de genre. Pour montrer, on avait vraiment cette idée d'installer une communication entre public, artistes, communauté, et faire quelque chose qui soit un peu plus tournant et un peu plus ouvert que d'autres projets qui existent à Montréal. C'est bien que tu parles du lien entre le public et les artistes, puisqu'il y a eu un gros volet atelier et activité qui avait lieu l'après-midi. Moi, j'hibernais en après-midi, je soignais mon amygdalite, alors voudrais-tu m'en parler, puisque je ne peux pas y être? Oui, on avait toute une programmation de jour qui était entièrement gratuite, avec plusieurs aspects. On avait un programme éducatif qui était ouvert, mais sur participation, donc un nombre réduit, qu'on a appelé Lux Magnets, qui était un programme de stage pour apprendre les techniques de musique live, et puis un programme musique où des jeunes artistes émergentes, elles avaient 18-20 ans, ont rencontré des artistes expérimentales qui leur ont un peu montré les techniques, puis elles ont performé le dernier jour à la Sala Rossa dans une improvisation qui a duré 10 minutes et qui était vraiment très bien. Et puis on avait toute une série d'ateliers pour tous les âges. On avait un atelier de poésie pour adultes qui s'est passé le dimanche après-midi. Et qui était complet aussi. Qui était complet, oui, on avait une très longue liste d'attente. Alors, on n'avait pas non plus énormément de place dans l'atelier, mais ça a été un grand succès. Puis vraiment, toutes les personnes avec qui j'ai parlé étaient ravies de ça. Donc, on le refera l'année prochaine. Et puis, on avait toute une série de programmations plutôt soit envers les enfants ou les adolescents. Donc, on a eu un partenariat avec Rock Camp for Girls, avec un atelier qui, malheureusement, a dû être annulé pour cause, justement, d'amygdalite. Oh, mais non! On n'avait pas pensé à ça avant de faire un festival pendant l'hiver, mais c'est dur pour le corps. Oui, plus de chocolat chaud, plus de tisane. Exactement. Et puis, on a eu des ateliers pour enfants dans la journée du samedi, avec des créations de masques, des jeux de société à portée un peu politique, Et puis tout ce qui est un peu des activités sonores et puis juste des animations diverses, juste des crayons de couleur puis des papiers pour que les enfants puissent aussi participer. Et puis, alors là, c'était pas vraiment un atelier, c'était un spectacle, mais le dimanche après-midi à la Sala Rossa, il y a eu un concert qui s'appelle un spectacle Family Style, où les enfants étaient mis en position de créateurs. Donc soit ils performaient sur scène des choses que des adultes leur avaient écrites, soit ils chorégraphiaient eux-mêmes ou inventaient eux-mêmes une mélodie ou un spectacle de danse. Voilà. Donc là, c'était vraiment les enfants qui prenaient le stage. Déjà, c'est votre première édition, mais moi, à cause qu'il y avait tellement d'enfants qui fait partie de la programmation, qui est beaucoup cette volonté de les mettre en valeur, j'espère que le festival va durer comme 10 ans. Question qu'on voit la transition qui va être programmée pour les spectacles de soir avec ce qu'on crée quand ils étaient jeunes. C'est super d'entendre ça parce que c'est vraiment une volonté qu'on a d'intégrer tous les âges et notamment dès les enfants parce qu'on veut un peu éclater la notion de créateur et la notion d'artiste performateur. Donc effectivement, on serait ravis. On a eu plusieurs bands là qui se sont constitués pour Family Style. J'aimerais beaucoup les programmer dans quelques années sur un concert de soir. Et c'est un peu pareil pour des artistes émergents. On a quelques artistes dont c'était la deuxième ou la troisième représentation dans le projet qu'ils ont présenté, même si souvent c'était des artistes qui avaient joué un peu avec d'autres choses avant, mais donc on a vraiment cette idée de décloisonner l'accès aux scènes et puis l'accès à la création. Oui, surtout, pour moi, c'est vrai que c'est un peu comme pousser déjà là où c'était présent, parce qu'à la scène locale, on peut constater que parmi les spectateurs, il y a des artistes, des artisans. Alors, l'espèce de limite entre le spectateur et le spectacle, des fois, il peut être plus facile à franchir qu'on pourrait le croire. C'est juste que là, vous mettez comme l'installation pour le concrétiser à des gens qui sont plus ou moins proches du milieu. Tout à fait. On veut vraiment ouvrir ça à la circulation. Et on a d'autres projets pour les années à venir qui renforceront encore plus cet aspect, essayer d'organiser des rencontres entre artistes et publics ou essayer de travailler sur l'art communautaire, donc en faisant en sorte que le public soit créateur lui aussi. Donc c'est tout à fait un axe qui est dans notre ligne de mire. Et on parle beaucoup justement des valeurs qui sont promises dans l'événement et quand on va sur votre site, la section mandat, on le sent bien la volonté d'inclusion, de diversité, mais en même temps, être présente à l'événement, pour moi, c'était un spectacle comme je pourrais assister à d'autres spectacles. As-tu l'impression qu'avec Lux Magna, c'est un peu comme une nouvelle ère du militantisme? Au lieu de faire une promotion directe de ces valeurs-là, on fait juste les concrétiser, finalement, au lieu de dire « voici des femmes » et « voici des enfants, voici des gens non-genrés », tu sais, de juste comme le faire, tout simplement. C'est ça, on a vraiment cette volonté-là et c'est inscrit dans notre mandat. Je ne sais pas si nous, on est au début d'une nouvelle ère ou si on s'inscrit dans une nouvelle tendance, mais on avait vraiment la volonté de faire un festival qui ressemblait au monde qu'on avait envie de voir autour de nous ou qu'on voit déjà autour de nous. Donc on ne voulait pas faire un festival militant en soi parce qu'on ne voulait pas que le militantisme prennent le pas sur l'art en lui-même, parce qu'après, on oublie souvent que ces artistes-là ont des projets artistiques tout aussi valides et que c'est pas on va les voir pour leurs projets artistiques et pas pour faire un acte militant. Donc, c'est exactement l'idée qu'on avait faire une programmation que nous, on trouvait solide, avec des projets qui nous plaisaient énormément, et effectivement d'inciter le public à constater qu'on peut faire les choses un peu différemment que ce qu'on voit un peu partout, c'est-à-dire avec une majorité d'artistes qui se ressemblent tous un peu. Et on parle de la programmation. Parmi, je crois que c'est un des événements qui était pour moi mis en surbrillance, c'est le Battle of Brass Bands. J'y étais pas. Veux-tu m'en parler? Alors, c'était complet. Encore? Donc, on est très fiers de ça. Il y avait trois brass bands, dont un qui venait de Toronto. Mais qu'est-ce que brass band? C'est une fanfare, en fait. Oh! Fanfare. Mais des fanfares avec une grosse influence hip-hop et de cette culture-là. On avait aussi huit danseurs et performeurs contemporains Et donc, les brass bands sont arrivés les uns après les autres, ont quitté la salle, puis les danseurs dansaient un peu partout. À la fin, il y a eu une grosse battle avec tout le monde ensemble en même temps. C'était plus de 50 artistes. Oh! Voilà. C'était plus chant de bataille que bataille en tant que tel. Il n'y avait pas de combat puis de duo, ouais. Non. c'était très pacifique. Je doute qu'il n'y avait pas de vainqueur. Tout le monde est fini égal dans ce battles. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est les batailles où l'intérêt est dans la rencontre et non dans le combat. Tu l'en as fait mention sur le coût des billets et justement sur le fait qu'il était à très bas prix ou même gratuit, certaines activités. Pour moi, ça. Puis je te parle à Farhouse sur... mon Dieu, tu as fait une entrevue pour un blog que je partagerai sur le Facebook de Critique de Crowd puisque je me rappelle plus du titre en ce moment. Mais tu voulais encore plus descendre le prix des billets et j'étais heureusement surprise de cette affirmation-là. Crois-tu qu'à Montréal, on soit... devant autant d'offres culturelles, mais que peut-être le portefeuille du Montréalais ne peut se le permettre? Oui, je pense qu'on a la chance à Montréal d'être dans une ville qui est culturellement extrêmement riche et diverse. Donc ça, c'est extraordinaire. Mais je pense aussi que la culture est encore un peu chère pour les gens. C'est quand même un investissement à une époque où on n'a pas beaucoup forcément en mode d'argent. Donc ça, c'est une volonté d'être accessible pour ne pas privilégier un certain public par rapport à un autre. Parce que notre objectif, c'est vraiment de faire découvrir les talents locaux. Donc une notion d'accessibilité. Une autre notion aussi qui est que souvent, on paye pour ce qui est rare. C'est-à-dire un groupe, un artiste qui est de passage à Montréal et là on va mettre 20 ou 25 dollars parce qu'on veut vraiment les voir puis qu'ils ne reviendront pas avant un ou deux ans et que c'est parfois un peu plus dur d'amener l'audience locale à aller écouter des artistes locaux uniquement. Donc c'est aussi un moyen de mettre en lumière nos artistes locaux que de les présenter à des tarifs extrêmement bas, voire gratuits, ce qui serait un jour mon objectif absolu. voilà. Et puis enfin, parce que là pour l'instant, mais on va essayer de s'étendre dans Montréal, mais on était dans trois salles de concert qui sont très proches les unes des autres. Donc c'est aussi toujours l'idée de circulation, où si jamais on fait un festival avec des artistes émergents locaux, avec différents genres d'art et de musique, on veut inciter les gens à prendre des risques et à aller voir des choses qu'ils ne vont pas voir d'habitude. Donc pour créer une vraie circulation entre les salles et une vraie circulation entre les idées, d'avoir des tarifs très bas ou des événements gratuits, ça incite les gens à oser des choses qu'ils n'oseraient pas forcément si jamais il faut qu'ils investissent de l'argent. Oui, mais c'est un beau triangle, la Sala, la Vitrola et la Casa. Pour moi, du côté de Saint-Denis, il y a le triangle des Bermudes, la Sainte-Trinité, de la Roquette, du Quai et de l'Esco. Mais je l'ai vraiment senti durant le festival, comment, oui, il y a ce déplacement-là et je vais pouvoir le faire dans mon compte rendu. Mais, oh, la diversité musicale, c'est vrai qu'elle peut te prendre de plein fouet là, quand tu décides de t'aventurer d'une salle à l'autre. C'est, j'irais jusqu'à dire, déroutant. Est-ce que vous avez fait exprès pour vraiment, ou c'est juste un hasard, le choix des salles, puis des timings en telle soirée, il va avoir la poésie, puis il va avoir un show de rap, puis tout ça à donner, sans vouloir mettre une thématique par soirée, finalement. Le choix des salles, c'est on a été soutenu par la Casa del Popolo dès le début, donc le choix des salles, il vient de là. Mais il y a la volonté de diversité dans la proposition, elle est à la fois nécessaire parce que on est un festival, donc il nous faut une programmation cohérente. Donc, il faut pas trop qu'on mette les shows en compétition les uns avec les autres. Donc, on propose différents genres pour attirer différents publics. Et puis, effectivement, essentiellement, on espère que des personnes dont l'attention sera attirée par un concert qu'ils iraient voir traditionnellement, ils se diront « Ah, mais le même soir, il y a ça, j'ai jamais été à un concert de hip-hop, je vais y aller, super !» voilà, c'est à la fois un besoin un peu logistique et une vraie volonté artistique de pouvoir amener des gens à faire des découvertes. Oui, en plus, à Vitrola, à Sala, je veux dire, si t'es là pendant l'après-midi, tu peux rester là le soir. Ça fait comme un super spectacle. Tu descends au deuxième étage, tu vas manger, tu retournes pour le restant de la soirée, ça marche. C'est exactement l'idée qu'on a. Aïe, aïe, aïe! Bon, ben, la prochaine fois... ça, c'est mon défaut. J'arrive toujours un peu trop tard, mais la prochaine fois, j'arriverai certainement à l'avance pour Lux Magna, qui veut dire lumière vive, et pour d'autres festivals qui évoquent aussi la lumière. Je pense à Montréal en lumière. J'ai bien l'impression que Montréal a besoin d'une luminothérapie collective et artistique durant la fin janvier, qui est vraiment un moment difficile, mais j'irais même jusqu'à dire dépressif. Alors, je te remercie pour cette merveilleuse initiative, parce qu'on on en a besoin, puis ça fait chaud au cœur, parce que je me suis déplacée. Moi aussi, je me disais, ah, on est l'hiver, fait froid. Mais non, c'était fort agréable de se déplacer entre la Vitrola puis la Sala. Une très belle marche, de la belle neige et de la bonne musique. Merci. Merci beaucoup. Ah, ben écoute, ce sera à suivre pour la critique. Vraiment, j'ai été bien heureuse de mon expérience. Je te remercie beaucoup, Amélie. On va continuer la musique avec des groupes, plutôt des artistes qui étaient présents durant le festival. Alors, on va commencer avec Laurence Anne et Cap Noir. Je suis courbe, versée dans le mystère, enfouie au fond de la terre, entre feu et aquifère. À l'odeur d'un sexe froid, je suis multiple. Fracassé au sein. enfouie au fond de la terre, entre feu. Vous aurez reconnu la merveilleuse Xarodion avec la chanson Adédonie qui se retrouve sur son album Fugitive. Elle était au festival Lux Magna, mais c'était un DJ set et elle le faisait au nom de Sérénade Obsolète. Et voilà. Sinon, vous avez aussi entendu Laurence Anne qui était aussi en spectacle et vous avez entendu la chanson Cap Noir. Vous écoutez toujours Critique de Crowd. Et ben oui, Lux Magna que j'irai et que je suis allée dimanche dernier. Ben tard, ouais, mauvaise gestion de temps, je vais finir par me dompter, je vous le jure, crowd. Non, mais j'arrivais pour le dernier set de la soirée qui était une performance musique à la fois électroacoustique ou expérimentale. Le show commençait quand même de bonne heure. Je trouve ça aussi intéressant pour un dimanche soir que, oui, ça commence de bonne heure. On n'oublie pas que pour certains, le lundi est une journée de travail et qu'elle est parfois difficile. Et sinon, ben, dans mon cas, ouais, je suis arrivée en retard parce que je voulais faire une sieste stratégique. Ça veut dire que tu mets un chronomètre pour pas comme dormir puis dormir jusqu'à te réveiller puis dire j'ai tout manqué ma soirée. Mais en même temps, pour pouvoir avoir un bon boost d'énergie, je vous le suggère, crowd, pour l'hiver, tu sais, si t'as envie de sortir. Puis en même temps, la grisaille, la neige, le froid et le manque de luminosité, c'est vrai que ça affecte notre santé. Fac, fais un petit dodo. Puis après ça, il faut juste un petit peu se botter le derrière pour sortir de chez soi et être bien habillé puis traverser le vent, le fret. Quoique ça, aujourd'hui, ça va pas pire, là. J'arrête pas de parler comme si... comme si on affrontait une tempête, là, tu sais, il y a plus les derniers jours, c'est quand même tranquille. Mais reste que, ouais, affronter la pluie l'hiver, c'est pas plus sympathique. Alors, j'arrive revigorée à la Sala Rossa pour, oui, comme je disais, Les Yeux, qui est, comment dire, un collectif, mais c'est la première fois qu'ils jouent ensemble, alors j'espère de tout cœur qu'ils vont refaire l'événement, parce que c'était excellent musicalement, là, j'ai vécu quelque chose. Alors, Les Yeux, composés de Aura Conan, Johnny Void, Jessica Moss, qu'on connaît pour Mount Zion Memorial Orchestra, il y avait Johnny Sadler, Robin Watty, qui est connu aussi pour Big Brave, et Yang Yang. Et vraiment, pour musicalement, là, j'ai vécu un très, très, très beau moment. C'était, oui, expérimental. On jouait beaucoup avec, oui, quelque chose de bien organique. Ça commençait avec des chœurs. Alors, les cinq qui, de façon décalée, chantent. Beaucoup de... Oui, je trouvais que musicalement, c'était bien organique, mais c'était ponctué de quelques moments un peu plus beatés électro qui venaient détonner peut-être avec l'esprit électroacoustique où on veut pas nécessairement... Ben, on veut pas faire de la musique, là, fait que... Juste le fait qu'il y a un rythme, j'étais comme « Ah, mon Dieu! » Ça donnait vraiment une touche rafraîchissante au set. Ça était vraiment un très, très, très beau moment. Et autour de tout ça, ben écoute, oui, il y a les musiciens, ils étaient par terre, ils n'étaient pas sur scène. Sur scène était installer un écran pour une projection, là, mais plusieurs. Alors, autant des séquences qu'il y a un poulpe, que c'est le tunnel Hippolyte Lafontaine, oui, des vagues, la nature, une grande confrontation entre la nature et l'urbanité, finalement. Alors, c'est pour ça aussi que sûrement les musiciens n'étaient pas sur scène, tout simplement parce que l'écran était vraiment en plein centre avec les rideaux collés. Alors, sinon, ça... Il aurait fait comme un set splitté en deux, ça aurait été bizarre. Je trouve aussi que musicalement, avec le genre, je trouvais ça bien naturel qu'il soit par terre. Pour la crowd, on était installés soit ben, à sa discrétion, là, évidemment, là, on n'était pas assigné à un siège. Mais oui, justement, c'était vraiment des sièges en rangée de façon très traditionnelle. Et pour moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que là, on remet, oui, beaucoup de choses en question et en même temps, il y a des conventions qui restent. Est-ce que c'est parce qu'on ne les remet pas en question ou tout simplement parce que c'est pratique ou c'est comme ça qu'on voit le spectacle? Déjà, ce n'était pas sur scène, on pourrait se dire qu'il y a une certaine non-convention du spectacle, mais le fait que c'était en petite rangée bien, bien drette, j'étais comme la chaise! Cette chaise qu'on remet si peu en question. Tu sais, de façon, pour avoir une bonne posture, on devrait tout le temps être assis sur une grosse ballonne, ça a l'air, là, les ballons qui servent aussi des cours d'aréobie. Mais ouais, on le fait si peu. Moi, je serais curieuse de voir un spectacle, tout le monde assis sur des grosses ballons. Tu sais, t'as qu'à à remettre en question tout, là. Je suis prête, oui, oui, chers auditeurs de CISM, à remettre en question la place de la chaise dans les spectacles. Mais ouais, comme tu vois, moi, je me suis pas assise sur une chaise pour la bonne et simple raison qu'il y avait juste plus de place. C'était bondé. Effectivement, j'étais bien heureuse de ça, encore une fois. À quel point les gens ont peur de sortir pour le fret puis pour les jours de la semaine. Là, ça me disait tout à fait l'inverse. Alors, je faisais partie des quelques personnes dans la crowd qui étaient sur le second stage là, qui sert à ça, à la salle. Alors, assis sur le coin vraiment pour checker la crowd puis checker le Ben en même temps. Il y avait juste une personne dans la foule qui s'est couchée. Puis pour moi, c'est pour ce genre d'événement-là, musique ouais, expérimentale, électroacoustique, ben peut-être que j'ai juste une image peut-être plus de drone où justement tu peux être couché à terre puis tu veux sentir les résonances, sentir le son et comment il touche ton corps. Alors non, peut-être qu'on avait moins à faire à une question de vibration, d'où la raison que c'est resté traditionnel dans la façon d'être assis et d'observer le spectacle ou s'il y avait des projections. Mais pour moi, je comprenais tout à fait la fille qui était couchée parce que j'avais pas tant besoin des images. Je trouve que la musique était tellement évocatrice que je préférais susciter, oui, mon propre imaginaire que me faire imposer des images. Mais je comprends aussi l'intérêt, le choix artistique d'en mettre. Alors oui, en quelque sorte, je comprenais les gens d'avoir les yeux ouverts. C'est niaiseux, hein? Mais pour ce genre de musique-là, il me semble que j'en sens pas tant l'intérêt. Souvent, je préfère fermer les yeux. Puis en même temps, il y avait pas beaucoup de yeux fermés, mais beaucoup de regards. J'ai juste le mot perdu, mais oui... Un peu tête en l'air, un peu... On regarde quelque part, mais sans avoir un focus. On est concentré. Oui, on regarde le spectacle, mais en même temps, c'est pas une concentration absolue, vraiment directe devant la scène. Alors oui, je trouvais quand même qu'on pouvait retrouver ça dans la foule. Mais encore une fois, je suis quand même étonnée de juste une personne couchée. Je sais pas, peut-être que les gens voulaient pas prendre leurs aises, ou peut-être qu'elle était vraiment malade, peut-être qu'elle était vraiment grippée. Moi, je voyais les gens boire de la bière, puis... C'est vraiment... Ça a commencé à être très personnel. Mais étant donné que je prenais des... Ben, je les prends encore, là, en passant. Mais vu que je prends des antibiotiques là, pour mon amygdalite, je me disais, bon, je peux pas boire d'alcool, mais il me semble que les breuvages chauds devraient être plus à la mode. Oui, tantôt, j'ai parlé de tisane avec Amélie, mais même pour les alcools, je veux dire des grogs. Pourquoi le grog est pas aussi à la mode? Je comprends pas, c'est une tendance. Faut qu'elle revienne. Je vous en prie, là, mes mixologues, là, réinventez le grog, faites quelque chose. La pose de gin! Pose de gin de ta grand-mère! Je sais que tu l'adores. Moi, oh mon Dieu, moi, là, ce qui me touche mon cœur et mes papilles gustatives, c'est de l'eau chaude avec de la crème de menthe. Je sais que ça fait très grand-mère, mais je vous le jure, crowd, essayez-le. Je souhaite que les bars en vendent parce que c'est vraiment excellent. C'est comme boire du bonbon chaud. Fait que, hiver, tu n'auras pas raison de la bière, mais en tout cas, soignez-vous comme vous voulez et buvez des breuvages chauds. Moi, ce serait bien ma suggestion pour apprécier encore plus les yeux à la Sala Rossa. Ça me fait penser à la fin du spectacle. Quand on parle de convention, il y a eu comme un silence. Comme, ah, le set, est-tu fini? Ah oui, tu sais, non, on s'est dit comme, ah, le set, est-tu fini? Mais juste avant, il y a eu une autre émotion. C'était comme, tu sais, comme on décante. Après ça, on fait comme, c'est-tu fini? Ah, alors là, je pense que c'est fini. Puis là, le monde se met à applaudir. Mais il y a vraiment eu un trois décalages entre, ah, oh! Ah, on va applaudir. Puis oui, la convention d'applaudir pour féliciter puis dire qu'on a apprécié le moment. Mais c'était... C'était un 10 secondes là, de mélange d'émotions vraiment particulières. Et pour moi, oui, ça met vraiment en valeur la notion de convention du spectacle. Parce que, ouais, si on n'avait pas à applaudir, je sais pas comment ça serait terminé non plus. On aurait peut-être juste allumé une lumière, peut-être, puis on aurait sacré notre camp. On aurait serré la main directe aux musiciens, vu qu'ils sont si proches que nous. Je sais pas, à suivre. Hey, je vous passe du Chantal Archambault, puis je vous explique tout de suite après pourquoi. La porte battante va aller derrière moi. Soudainement, le temps s'arrête devant moi. Assis au comptoir, le crime parfait. Ma chaîne de tonneau, qu'aujourd'hui, ta tête nous a pris. Et que la ligne droite. Archambault avec la chanson Hôtel de Lilas. Oui, je suis retournée loin dans sa discographie. Alors, on a entendu une chanson qui se trouvait sur son album La romance des couteaux. Je vous passe du Chantal Archambault dans ses débuts qui est plus country parce que en allant à la Vitrola, oui! Je suis tombée sur un spectacle de country et je vous dirais qu'après un spectacle de musique expérimentale, ça clenchait anti-pépère. J'étais comme wow. Oui, vous me direz, mais Jolène, tu n'as pas regardé la programmation. Ouais. Mais tu le sais, crowd qui écoute souvent l'émission, j'aime me faire des surprises à moi-même, vivre dangereusement, m'aventurer dans la programmation des festivals et d'être en... être complètement à mes connaissances de cause. Fait que oui, justement, j'ai pas eu la même réception du spectacle si j'avais su à l'avance à quoi j'avais affaire, mais là, pantoute! Et le groupe que j'ai entendu, c'est The Record Breakers. Extrait! Yeah! Ah ouais, crossover country et pop country en d'autres mots. Effectivement, je trouve que musicalement, le groupe s'appelle The Record Breakers. Ben, je me suis dit, il me semble que j'irais écouter une chanson de Dolly Parton, genre 9 to 5. Tout de suite après, j'étais dedans. Et en même temps, ça m'a pris beaucoup de temps pour justement comme m'habituer. J'ai été vraiment déstabilisée de voir la Vitrola avec des tables, des chaises, bien enliées aussi à la scène. Grosse distance entre les premières tables et la scène. Des rideaux rouges pour cacher. T'sais, encore une fois, il y a toujours deux scènes. Bon, ben celle qui est à côté du bord, là, on la voyait pas du tout. Là. Alors, ça réduisait l'espace, ça faisait beaucoup plus intime. Mais j'avais l'étrange impression que j'étais comme, je sais pas, moi, quelque part perdue dans un bar aux États-Unis avec des vrais farmers, genre, parce que, je sais pas, c'est peut-être parce que j'avais jamais réalisé qu'à Vitrola, le bord est en bois, mais je me sentais plus à Montréal, je me sentais plus à Vitrola. Tu sais, le dernier show que j'ai vu à Vitrola, c'était genre King Woman, là. On n'est pas du tout dans les mêmes gammes. Ouais, ça aurait plus fité avec le show de la salle, là, mettons. Fait que, oui, ça a été vraiment un moment pour moi d'adaptation, puis ironiquement, tu sais, c'était super tranquille. J'étais comme, qu'est-ce que je vais compter à Critique de Crowd? Les gens sont assis, il y a un spectacle, puis il y a une fille debout qui a l'air un peu plus dedans, puis qui se déhanche, là, gauche-droite, puis, tu sais, il n'y a pas l'entrain de la mort, mais Justement, tu sais, il y avait une certaine modération dans l'excitation de la foule, mais c'est toujours surprenant, crowd, comment il se passe des choses dans une foule. Il y a eu un moment vraiment qui est sorti de nulle part. Oui, les gens étaient visiblement fans. La salle était quand même pleine. Il y avait des gens à toutes les tables. Bonne réception entre le groupe et le public. Puis, boum! Comme ça, de le part sorti, là. Il y a trois filles qui s'avancent, là, chacune dans leur direction, là. Il y en a une qui avançait sur le côté, l'autre au centre, l'autre à gauche. Puis, ils vont en avant. Puis, je sais pas si ça devait être leur chanson préférée ou le moment de leur chanson préférée. Et là, ils viennent en avant et ils se mettent à danser, là, avec une certaine, j'ai envie de dire, férocité. Mais oui, là, c'était... Il y avait du dedans, il y avait de l'énergie, il y avait de la poigne. C'était pas juste pour montrer que t'apprécies le groupe, là. C'était pas... Non, c'était très senti comme danse, très court, très vif, et ça sortait tellement de nulle part. J'étais comme « What? » C'est musicalement, et la danse n'avait plus vraiment de lien. De toute façon, question danse, country, en tout bon préjugé, je pense que juste des danses en ligne. Je connais pas les autres danses, pour être bien franche. Fait que non, là, c'était très style libre et ça a été impromptu. Puis boum, ils sont repartis à leur table avec, avec cet entrain-là tout aussi présent dans leur hochement de tête, mais j'ai adoré ça. Là où je me suis dit, C'est un spectacle. T'sais, les gens sont assis, ils regardent le spectacle, ils aiment le band, puis ainsi va la vie. Mais non, il y a de la surprise dans la foule. J'étais émerveillée, surprise, d'autant plus que je l'étais déjà au départ. Et dans la tranquillité, j'y ai aussi trouvé de la beauté. Il y avait une madame, déjà, sa sacoche était en cuirette et filochée, là, c'était une vraie call girl. Je l'aimais déjà. Puis c'était une madame, tu sais, oui... On dirait que j'utilise des mots très classés. Madame. Mais c'était une madame avec ses deux hommes. Et j'adore l'ambiguïté qu'il y avait parce que je pourrais pas te dire lequel était son mari. C'était venu avec ses deux cousins, ses deux meilleurs amis, ses deux frères. On le saura jamais. Mais elle était là avec ses deux hommes. Un à gauche, un à droite. Puis elle, je sais, elle avait, elle aussi, un entrain. Cet entrain, pas modéré parce que tu te retiens. Juste parce que toi... T'as pas besoin d'en faire autant. Et oui, ça vient beaucoup me toucher parce que j'aime beaucoup l'exubérance. Tandis que elle, c'était... Oui, on voyait qu'elle avait un gros trip, là, à s'amuser. C'était vraiment une soirée à elle. Puis en même temps, elle avait pas besoin de beaucoup en faire. Elle faisait les rythmes avec ses mains quand le groupe l'a proposé. Puis elle faisait les contretemps avec son pied. On en faisait plus que ce que la foule aurait pu tout simplement regarder le spectacle. Elle était pas juste tranquille. Mais vraiment, je l'ai adoré, cette femme. Des fois, je me demande toujours, le moment de critique de crowd, où je devrais aller voir les gens et leur demander comme, « Fait que finalement, est-ce que c'est vos maris? Puis j'aime beaucoup votre enthousiasme. » Puis je me dis que ça passerait pas très bien. Mais sinon, si tu te reconnais, toi, femme, qui a du plaisir tout le temps, à sa manière, je te salue. Et si c'est toi, ben t'as juste à m'écrire sur le Facebook de critique de crowd, puis je vais t'envoyer plein d'amour, puis je vais te dire que t'es adorable. Alors, sur ce... On va finir en musique avec, encore une fois, du country, en quelque sorte, avec Michel O, de son premier album « Assise dans ma tête » et la chanson « Assise dans ma tête ». Oh, et pour conclure la critique de crowd, quand je vous dis que la foule était surprenante, il y avait comme un punk, vraiment plein de studs qui s'élevaient à la fin du spectacle. Je me disais comme « Oh, wow, la foule était quand même plus hétéroclite qu'on pourrait même s'y attendre ». Alors, je sais pas, j'ose espérer que c'est dans la vocation que nous a parlé Amélie, que des gens puissent aller voir des événements qui sont pas dans leur genre fétiche. Je l'espère. Ou peut-être c'est un fan fini, genre de Record Breakers, puis c'est encore mieux. Alors, décloisonnons tous ces préjugés. Mais continuons d'appeler les madames parce qu'elles sont belles, les madames. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Je m'appelle Jolaine Ruet. Je serai encore plus en forme la semaine prochaine pour d'autres critiques de crowd. Facile à dire, impossible à faire. Fallait pas éteindre mes lumières. Petite bombe dans mon cœur, une fée tic-tac, tu vois. T'auras qu'à compter un, deux, trois. Et c'est promis, tu m'oublieras. attend longtemps le soleil. Ah, ah, ah, ah. Et si le ciel arrêtait de tomber sur ma tête, que ça devienne moins douloureux, qu'on se fiche la paix. Impossible à faire, fallait pas éteindre mes lumières. Un petit vent dans mon cœur et fait tic-tac, tu vois. T'auras qu'à compter 1, 2, 3, et c'est promis, tu m'oublieras. Ah, ah, ah, oh. Ah, ah, ah, oh. Souhait de la fête pour le dernier week-end d'Igloo Fest, l'événement de musique le plus froid au monde. Ce jeudi, vendredi et samedi, venez vous déhancher au son de Boy Wanda, DJ Esco, Ento, Sacha & John Digweed et Vince Carter. Pour les billets et toute la programmation, rendez-vous au igloofest.ca. Igloo Fest au Vieux-Port de Montréal, t'en reviendras pas. Rebel Motorcycle Club reviennent enfin à Montréal après 5 ans d'absence. Le groupe iconique sera de passage au Club Soda le 5 février pour nous présenter son 8e album, Wrong Creatures. Fans de shoegaze sombre à la Bloody Valentine et de Jesus and Mary Chain, ne manquez pas ça. Les billets en quantité limitée sont disponibles au www.greenland.ca ou directement à la billetterie du Club Soda. Du 1 janvier au 3 février prochain, souhait de la 3e édition du Tavern Tour. Plus de 45 artistes d'ici et d'ailleurs prendront d'assaut les tavernes du plateau Mont-Royal. Voyez entre autres Galaxy, Fred Fortin, A Place to Bury Strangers, Duchess Says, We Are Wolves, Marat Tremblay, Clément Jacques, Danny Placard, Solids, Corridor, Le Couleur, Popière, Anemone, Country, Sarah Dion et plusieurs autres. Consultez toute la programmation et procurez-vous vos billets en ligne au taverntour.ca. Une présentation de la Caisse des Jardins du Plateau Mont-Royal. Diplômés, vos études sont peut-être finies, mais pas votre progrès. Les diplômés du campus de l'Université de Montréal obtiennent 20% de réduction sur l'abonnement au CEPSUM. Visitez cepsum.umontréal.ca pour tous les détails et inscrivez-vous dès maintenant. Écoutez CISM 89.3 FM. Vous écoutez Roche, Papier, Ciseaux. embrasse-moi.